Au début, quand les teintes sont dures, tu te dis que tout passe après tout. Tandis que tu t'endors, tu te rassures. Tu dis que t'en verras le bout. Tu dis que t'encaisses, tu dis que t'assures. Tu dis que ça cessera un jour. Tu dis que ça s'arrêtera, c'est sûr. Tu dis que rien ne dure toujours. Tu dis que t'encaisses, tu dis que t'assures. Tu dis que ça cessera un jour. Jusqu'à ce que les temps soient durs. Les temps sont durs. La cure, les temps sont durs. Les temps sont durs, fini la sinécure. Quand l'âge d'or a duré, vient le temps de l'âge dur. Et ça fait des années, ça dure. Des années que t'endures et que t'endors plus du tout. T'ont eu à l'usure. À genoux, tu ne joins plus les deux bouts. On dit que les caisses sont vides, c'est sûr. C'est à toi de serrer ta ceinture. C'est à toi d'accepter les coups qu'on manquera pas de mettre en dessous. On dit que les caisses sont vides, c'est sûr. C'est à toi de régler la facture maintenant. Les temps sont durs. La cure, les temps sont durs. Les temps sont durs, fini la sinécure. Quand l'âge d'or a duré, vient le temps de l'âge d'or. Alors, ce que je veux dire, c'est. Quand les riches pour fuir l'imposture, tu découvres alors l'imposture. Tu vois ces censures s'en sortir. Alors t'es en mauvaise posture. On dit que les caisses sont des cessures. C'est à toi de serrer ta ceinture. C'est à toi d'accepter les coups qu'on manquera pas de mettre. Les gens sont mûrs. Les temps sont durs. C'est la curée, la cure. Les tensions durent. Les gens sont mûrs. Maintenant la dictature. Après la ruée vers l'or. Vient le temps de la ruée vers l'ordure. Les temps sont durs.